Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Ici Antithèse. Pour le podcast des accros de l'animation, spécial 500e épisode des Simpsons. Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien, et toi, et comment ça va les gens à la maison? Wait, c'est un podcast. C'est un podcast, mais je suis sûr que le monde sont contents de pouvoir nous répondre avec le message qui est en dessous du podcast finalement. Moi ça va bien qu'ils répondent, ouais. Oui, ça va plutôt bien, je te dirais. Hier, on est allé à un spécial que Télétoon nous a fait. Ils nous ont fait la présentation du 500e épisode des Simpsons. Nous étions tous les trois, nous étions toi, moi, ainsi que Marilyn, au 500e épisode. C'était un bel événement. Qu'est-ce que tu en penses d'abord, PL? Comme la première fois avec Faut pas rêver, l'événement a été bien organisé de la part de Astral / Télétoon. Pour ne pas dire que c'était vraiment chaleureux, accueil chaleureux. Écoutez, on avait même la possibilité de se faire photographier avec Homer. Oui, Marilyn a pris la chance d'avoir une belle photo avec Homer. Elle est très très contente et elle a même des beaux commentaires des fans qui ont dit comme quoi sa photo était vraiment géniale. Cool, je suis content. C'est vraiment une belle photo, puis c'était quand même animé comme soirée. Écoute, on avait même droit à voir l'animateur de Slack ta cravate. Matt était là. Oui, Matt était là, il nous a jasé un petit peu, il est venu nous voir, il nous serrait la main. Il nous a fait la présentation, comme qu'est-ce que ça a l'air à l'émission lorsque vous allez l'écouter le 8 décembre, le 6 décembre, excusez-moi. 6 décembre, ouais. Il nous a vraiment fait l'intro qu'il est censé faire, donc c'était vraiment cool, c'était bien pensé de sa part. Et sinon, on a été bien traités, on a reçu des t-shirts du 500e épisode des Simpsons. C'est des chandails qui sont quand même assez uniques. Et Oui, tu as raison. Oui, j'approuve ton affirmation. Oui. Et sinon, on a été traité avec la pizza, de la bière et des beignes. Et j'ai été le seul à pouvoir profiter des trois. Répète-moi ça. Les trois. La pizza, les beignes et la bière. Je suis le seul des trois accros qui en a profité des trois. Effectivement. Effectivement, vu que moi, il y avait un jus de pomme, alors je l'ai pris. Et voilà, et Marilyn a pris un petit 7-Up. Mais tu sais, c'était vraiment bien. On a été très bien traités. Ça a été vraiment génial. Là, vous avez entendu Marilyn en arrière qui a un petit rhume. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous ce soir. Mais elle est avec nous en pensée ce soir. Inquiétez-vous pas. Alors, écoute, on va d'abord commencer à discuter un peu de l'émission des Simpsons. Et après ça, on va donner nos commentaires sur cet épisode spécial 500e des Simpsons. Ça va être plus tard, je pense, qu'on va faire un podcast spécial Simpsons parce que je pense que ça mérite avoir un podcast entier de quasiment 2 heures là-dessus des Simpsons, tellement qu'il y a beaucoup de stock à jaser. Mais nous voulions faire un épisode spécial juste pour le 500e épisode des Simpsons. Oui. Alors, l'événement qui s'est passé hier, c'est comme on répète, c'était génial. Et un gros merci à Marie-Hélène et toute l'équipe. Mais ça, on va leur dire également plus tard. Oui. Alors, écoute, PL, je vais te laisser introduire l'épisode des Simpsons. Je vais te laisser commencer. Avant tout, je pense qu'il faut parler au moins du début. Oui. Avec le fameux gag du canapé. Alors, qu'est-ce qui se passait dans le gag du canapé cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est un hommage ou, si on veut, une rétrospective des 5, des soi-disant 500... plutôt 449 gags avant justement qui mènent au 500e. Mais détrompez-vous pas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé avec les vieux gags, les premiers gags qui datent de 1989, et ensuite ils ont fait de plus en plus de coupures, et ensuite c'est commencé à être des images quand même condensées. Qui va donner en tout 500 gags de canapé. Si vraiment fallait qu'il les monte tous, ça pourrait être très très long. Oui. Mais alors, C'était très référentiel. C'était très apprécié. C'était un excellent clin d'œil qui débute cette émission, disons franchement, très important pour les Simpsons. Oui, effectivement. Écoutez, c'est très rare qu'un show animé, scripté, a réussi à avoir 500 épisodes. Là, on est rendu à la 23e saison. Là. Le 500, c'est effectivement un épisode du 23, de la 23e saison. Et ils sont déjà à Fox à la 25e, si je me rappelle bien ce qu'on a discuté avec les autres hier. Je pense qu'ils sont à la 24e, parce que le 23, c'était celle de l'année passée. Je pense qu'ils sont rendus à 24. Ah, OK. Pour le moment, je pense que... Mais vous pouvez me corriger, Zachro, s'il y a de quoi rajouter dans le commentaire, si on est bien rendu à la... Tu nous parlais un petit peu de l'histoire, mon PL. Oui, ça commence avec Ken Brockman qui annonce que la Chine va bombarder les États-Unis, plus précisément Springfield, et qu'il faut se réfugier le plus vite possible. OK. Naturellement, après peu de temps, les Simpsons s'ennuient. Mm-hmm. Alors, Homer, plutôt la famille ressort. Oui. Homer fait le fou. Comme à l'habitude. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que tout le monde s'est réuni à l'hôtel de ville. Mais pourquoi s'est-on réuni à l'hôtel de ville? Selon toi. Pour parler du nouveau plan de comment gérer la ville de Springfield? Non! Ah, j'ai tort! Oh my God! Mon univers est fini! Non, c'est sérieusement. Plus ça. Mais non! Non! C'est pour éjecter les Simpsons de la ville de Springfield! Non! Parce qu'ils sont tannés de payer! Ah, c'est clair! Le pire, c'est que c'est une bonne raison! Je pense que même dans notre vie de tous les jours, je pense que c'est ça qui serait passé, tu sais, là. Ouais. Moi, je me rappelle d'un épisode où c'est que Homer a carrément floodé, carrément inondé la ville de Springfield parce que c'était son œuvre d'art en trois dimensions. Dans le sens, c'est que Homer était un artiste. Oui, je m'en souviens. Mais, tu sais, il me montre des petits bouts de pourquoi... pourquoi que ils veulent éjecter les Simpsons, ils montent des petits bouts de la série, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est cute là, de la manière que c'est présenté, vrai. Mais tu sais, ils disent, regarde, là, c'est une bonne raison. On voit que Marge essaie d'arrêter la situation, dire, hey, non, hey. Puis tu sais, genre, mettez-nous pas dehors, tu sais, là, c'est Marge, hein. Ouais, c'est Marge qui essaie d'arrêter. Le monde de la ville, finalement, ils s'en foutent. Oui. Puis même Flanders essaie de rentrer là-dedans. Puis finalement, il se fait éjecter d'une autre façon. Je vous dis pas comment, mais il se fait vraiment éjecter de la place. C'est vraiment drôle. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, naturellement, c'est pour Homer, c'est la plume et le goudron. Littéralement. Oui. Et ils se font chier dehors, apparemment, ça fait même partie à faire de la constitution de Springfield. Fait que bouhouhou, faut que notre famille dysfonctionnelle favorite trouve un nouvel endroit où il fait bon vivre. Mm-hmm. Et il trouve! Il trouve, oui. Et il trouve, c'est bien ça le pire. Mm-hmm. Vas-y. Il arrête au bord de la rue, au bord de la route, parce qu'il faut qu'il aille pisser. Puis finalement, il y a un drôle d'homme qui les arrête avec une sorte de gun, puis il dit « Sortez chez quand type, là. » Marge, elle sort à ses grands mots, dit « Regardez, on n'a plus de place pour vivre. On cherche un endroit pour nous. » Puis finalement, le gars, il a comme bon cœur, fait qu'il montre la place. Puis la place, ça ressemble vraiment à une sorte de... Ça m'a beaucoup fait penser à l'épisode où les Simpsons sont en cavale parce qu'ils sont arrêtés. Puis il se ramasse comme dans le bayou, là. Mais ça m'a fait penser beaucoup à cet épisode-là. Ouais, hein? Maintenant que t'en parles, oui, hein? Oui. Fait qu'il se ramasse là, il commence à vivre avec la coutume de là-bas, pas d'électricité, vivre en redneck à tour de bras, là. C'est vraiment redneck, là. Mais, en paysan. C'est ça. Pardon. Ils vivent la famille, vraiment toute la famille est contente, sauf Marge. qui a un petit peu de misère à s'habituer. Mais drôlement, Lisa se laisse aller totalement là-dedans dans cette histoire-là. Elle adore ce genre de vie Le bohème concept un et tout peu, ce qu'il là. va derrière. C'est ça. Et c'est vraiment. Tu vois vraiment qu'ils sont comme heureux de vivre une vie simple. Même Homer et Bart, ils sont fous comme de la marde pour ne pas Oh utiliser oui, totalement. notre expertise. Mais le plus drôle, puis ça, c'est un des bouts que je vais me retenir pour en dire davantage. Le plus drôle demeure Maggie. Oui. On vous donne pas de punch à rien, là, parce que vous devez l'écouter le 6 décembre prochain. Mais c'est vraiment drôle. Toute la famille, comment elle s'habitue à ce rythme de vie-là, finalement, là. Tout ce qu'on va vous dire sur Maggie, c'est qu'elle botte des culs. Oh oui, totalement. Oh, j'en aurais même peur, moi. Sinon, après ça, on voit que Marge s'ennuie beaucoup de la ville de Springfield. Oui. Puis, ben, pour faire plaisir à Marge, ben, Homer décide « Hey, on va y retourner, nous autres, dans la ville, t'sais, on va y passer du temps ensemble. C'est ça, » tu sais. Fait qu'ils arrivent à Springfield, ils sont déguisés, on vous dit pas comment. Et ils réussissent finalement à passer un peu de temps dans la ville et également chez eux, se refaire une sorte de moment intime. Nostalgie en même temps, tu sais. Puis à un moment donné, la police arrive pour les arrêter. Puis, bon, écoute, là, la police fait comme, ben, je pense que ça fait trop longtemps que vous êtes ici, on va vous remettre dehors encore une fois. Puis Marge a dit, ben, regarde, on s'en fout, on a une belle vie, où est-ce qu'on est? Finalement, tu sais. C'est ça. Fait qu'ils s'en retournent dans leur village, mettons, L'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. C'est ça que ça s'appelle. C'est C'est ça, oui, c'est vrai, c'est à l'autre bout du monde. pas le meilleur dialogue à ce propos. Puis encore là, si j'étais pour en dire plus, là, ça serait vraiment un gros spoiler. Je ne peux pas me le permettre. Je pense que Big Non. Ben non plus ne peut pas se permettre Non, de dire. non, non, vous devez vraiment l'écouter, le Oui, 6. oui. Mais, tu sais, c'est vraiment. Ils reviennent, puis ils sont heureux. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que. Il y a du monde qui les suit. Oui. Parce qu'ils veulent la même vie. Ils Parce veulent que la même il l'a vie que. carrément dit, t'as raison là-dessus, il l'a carrément dit. Mais nous c'est qu'on est rendu, on est heureux. Puis là, paf, on voit, sur ce qu'on peut le dire, on voit d'abord Lenny et Carl. Ensuite, Mo. Oh, t'as même le maire qui arrive là. Ah, je veux vivre là. Vous avez besoin d'un maire corrompu dans la ville. Ah, c'est... C'est vraiment top de mine. On vous en dira pas plus pour le reste de l'épisode, parce qu'on veut vraiment que vous l'écoutiez. Parce que, ben écoutez, c'est trop drôle. Tes impressions, antithèse, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode-là, toi? C'est sûrement l'épisode le plus random, le plus inutile, mais en même temps un des plus drôles des Simpsons dans mesure. Tu sais, on en avait discuté hier que c'était pas des Simpsons, et ça, malgré plus de 20 ans de continuité, oui, c'est ça, plus de 20 ans de continuité, c'est le fait que, c'est le fait que t'as pas besoin d'écouter l'épisode 1 pour comprendre l'épisode, admettons, 160. Ouais, effectivement. Fait que les Simpsons offrent un flow très facile. Après tout, ça fait encore une fois plus de 20 ans que les Simpsons roulent. Puis Maggie, c'est encore un bébé. Ouais, mais de toute façon, c'était déjà voulu Oui. dans la trame de pas faire vieillir personne, là. Oui, effectivement. Sauf, ben, ils ont fait vieillir un peu Homer, mais ça, je pense que c'est Puis plus Bart. des erreurs, là. C'est des erreurs, je pense, que d'autres choses. C'était des sujets, c'était parmi les premières saisons, avant que l'équipe change de formule, puis qu'ils font plus d'épisodes relax. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que les épisodes sont devenus plus relax au fil des années, puis à ce moment-là, plus appréciables et plus identifiables au public général. Ce qui est également le cas de cet épisode-là. Cet épisode-là était en même temps un nouvel épisode, mais avec des combinés pour reprendre la citation de Monsieur Éric Saint-Cyr, si c'est bien lui qui l'a dit. Il me semble que c'est Monsieur Éric Saint-Cyr qui l'a dit, que c'est beaucoup de références des épisodes précédents, 499 Ouais. précédent épisode, toutes réunies en un, pratiquement. Mm-hmm. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. C'est un épisode où c'est qu'un gag n'attendait pas l'autre. Effectivement, oui. Moi, j'ai quand même bien aimé, mais j'ai eu l'impression d'une chose, puis j'aimerais qu'on en jase ensemble. Yes. J'ai l'impression qu'il fallait tellement qu'ils coupent. Selon moi, ils ont écrit un méga gros scénario comme un deuxième film. Puis, il a fallu qu'ils coupent tout et mettent ça en 24 minutes. C'est... Parce que j'ai tellement l'impression qu'il y a des coupages dans cette histoire-là, là. Surtout la fin. C'est vrai que la fin avait l'air, c'est vrai que la fin avait l'air garochée à bien y penser, hein? Oui, la fin était très garochée. Et surtout que ça nous laisse des questions. Je me demande si c'était pas actuellement ça, la joke. Je sais pas. Mais en même temps, c'est vrai que ça aurait fait un beau Simpson 2. Oui. C'est vrai. C'est tellement vrai. Ça aurait fait vrai. Un excellent Simpson 2 s'ils auraient, selon moi, s'ils auraient moins coupé. Ils ont été obligés de couper à quelque part, puis ça, je suis sûr et certain, parce qu'il y a tellement ça saute tellement du coq à l'âne souvent. C'était l'affaire qui m'a agacé. Puis également, je me disais, peut-être pas un film, mais un two-part. Je pense que ça aurait été une deux parties, je pense que ça aurait été parfait. C'est vrai, hein? Mm. Puis tu sais, finir de la même manière. On vous dit pas la fin, mais finir de la même manière. Oui. Pareil. Ça aurait pu être quelque chose, oui. Fait que, non, moi j'ai bien aimé cet épisode-là, mais c'est vraiment, ça m'a juste agacé de voir qu'il y a eu beaucoup de coupures, puis que, comment dire, ça aurait pu être mieux. Je pense que si Fox aurait accepté de laisser un petit peu plus long cet épisode-là, ça aurait été génial, tout simplement. Effectivement. Traduction québécoise, parce que, veux pas, on a écouté la version québécoise de la série. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode-là? C'est naturel comme les autres ou oui, t'as tout le changement? Je trouve encore une fois que c'est que le travail des acteurs a été très bien et que qui ont su très bien non seulement performer mais projeter les personnages. Qu'est-ce que ça? Ok. Puis c'est quoi le nom de celui qui fait Homer, Garcy Sanson? Hubert Gagnon. Hubert Gagnon. Oui. Hubert Gagnon, regarde, il est génial. Oui, c'est la voix, je pense, de plusieurs personnages. Il fait Homer, puis il fait Abe. Je pensais qu'il faisait quatre en tout. Hein, okay. Non, il en fait juste deux. Il fait juste deux, OK. Ouais. Puis non, mais ça change pas le fait que son Homer à lui, effectivement, pour reprendre une situation qu'on avait discutée hier entre les organisateurs et d'autres membres du public, mm-hmm. que la rumeur voulait que Matt Groening, le créateur des Simpsons, sa voix préférée, son doubleur préféré, serait Hubert Gagnon. Oui, c'est ce qui est vraiment flatteur. Très flatteur, mais avec brio, parce que Hubert Gagnon, son talent est sans précédent. Je veux dire, Il est vraiment génial. Il est très, très bon. Mm-hmm, effectivement. Il fait un excellent Homer. Oui, mais moi, j'ai rien à dire contre. C'est sûr qu'on va en parler dans l'épisode de. Où on va vraiment parler des Simpsons. Là, probablement d'ici l'année 2013, on va le faire. Mais c'est vraiment un excellent Homer. Puis c'est sûr que c'est un épisode des Simpsons normal, donc on ne peut pas vraiment critiquer s'il y avait des voix différentes ou quoi que ce soit. Mais le casting a toujours été bon. Puis la voix dans cet épisode-ci est top-notch comme à l'habitude. Surtout que les acteurs de la série étaient présents. Ça valait vraiment la peine, là. Une autre affaire que j'aimerais ajouter, les acteurs ont tellement l'air d'avoir du fun. Ah oui, ceux qui font les Simpsons, en tout cas ici au Québec, ils ont tellement eu l'air d'avoir eu du fun à faire cet épisode-là. Je veux dire, juste par comment ils livrent leur performance à travers même les jokes, ça te plonge dedans toi aussi en tant qu'auditeur. Là. Définitivement, oui. C'était très, très bon. J'ai vraiment aimé ça. Alors, Mon seul embêtement, oui. Ça c'est mis à part le fait que toi tu penses qu'il y a eu des coupures, puis que plus j'y pense, plus je trouve que tu as raison. C'est le fait que. C'est encore une fois, c'est un épisode qui est quand même en bout de ligne random et qui n'aura aucune conséquence sur le futur. Non. Fait que c'est sûr que ça aura pas de conséquences à rien, On... mais on sent quand même que c'est passé de quoi. Oui. Selon moi, il y a vraiment eu de la coupure, puis ça a fait en sorte que ben là, ils ont été obligés. Peut-être selon moi, ils ont dû planifier un two-part, puis Fox sont arrivés, ils ont dit, regardez, vous me coupez ça moitié, là. C'est ça mon impression que j'ai là. Ben, ça serait ça de Rupert Murdoch, hein, de faire ça. Encore une fois, je te dirais que Rupert, il, même s'il n'aime pas ni Family Guy, ni The Simpsons, c'est quand même leurs deux émissions avec lesquelles il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Oh oui, lui là, il manquera pas de cash avec ça. Ça c'est sûr et certain. d'argent. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode spécial. On remercie beaucoup les organisateurs de Télétoon, en particulier Madame Marie-Ève, Marie-Hélène, excuse-moi, pas de vin, l'organisatrice du 500e et également relationniste pour les médias. On remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été présent pour nous et pour l'équipe des accros ainsi que toutes les le monde des médias qui était présent avec nous autres. Écoute, on n'était pas tout seul. On avait les Mystérieux Étonnants qui étaient présents avec son membre secret. On avait les jumeaux techno qui étaient là. On avait les gars de Cinémaniacs. On avait beaucoup de monde qui était là pour ce moment privilégié du 500e. C'était vraiment génial. C'était vraiment, vraiment une belle soirée. Merci à tout le monde, autant à nos collègues des autres sites que les organisateurs, organisateurs de Télétoon. Oui. Alors, ben pour te rejoindre sur les internets en thèse, comment qu'on peut te contacter? ANTYTHESE at J, pas J, mais GMIL.com ou au lieu du Gmail, le YAH2O.ca. Ou sinon, le Twitter qui, bon, lui, je ne l'appellerai pas, là, ce serait @antithèse16, pour ça, ça va faire plaisir. Ou encore, le forum des accrodesjeux.com. Oui, c'est un des meilleurs moyens pour contacter les accros. On est là tous les jours. Oui. On fait notre tour souvent pour aller voir si on a des messages ou pas. Alors, pour me contacter, moi, Benoît Mirandette, à Big Ben, vous pouvez me contacter sur Gmail à l'adresse officielle des accros des jeux à accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Vous pouvez également me contacter via le compte officiel des accros des jeux sur Twitter à accros des jeux. Vous pouvez également me contacter sur le forum des accros des jeux. Vous pouvez également m'ajouter sur Google Plus si vous en avez un. Et si vous l'utilisez, vous pouvez me contacter sur Benoît Mirandette. Je refuse les invitations Facebook. Je le répète assez souvent, je le sais, mais j'en ai encore. Envoyez-moi pas d'invitations Facebook. Les gens que je ne connais pas, je ne vous accepte pas, malheureusement. C'est rien de personnel, je veux que les gens le C'est sachent. ça, c'est rien de personnel, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous jaser, c'est juste que mon Facebook est plus privé, c'est mes amis, mes connaissances qui sont là-dessus, qui peuvent me voir, c'est tout, c'est pas la manière de me contacter. Mais si vous voulez quand même me jaser sur Facebook, allez sur la page officielle des accros des jeux, qui est sur facebook.com/accros des jeux. Les images de Giger sont souvent postées là, mais je poste une fois de temps en temps également. Et si vous me jasez, normalement, je vous réponds là-dessus. Oui, ça là-dessus, effectivement, Ben, je voudrais que c'est celui qui répond le plus aux questions des accros Oui. sur le Facebook. Oui. Alors, si on vous répond, les chansons, c'est Big Ben. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse? Pour le podcast des accros, le podcast des accros de l'anime spécial 500e des Simpsons. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine.